J'arrive en grande pompe, je m'entends sur chez Louis V. J'arrive en grande pompe, je m'entends sur chez Louis V. J'arrive en grande pompe, je viens sortir chez Louis V. Je laisse un billet quelconque avant que le fisc me saisisse. Ici c'est dur, même quand tu fais des love. Alors que le bête est pur là-bas, rien, ça vaut de l'or. De l'Ophéa, tu crois t'aimes. Prennent soin de moi comme des champs à Ketama. Alors qu'ils diront que ça me témoin. Je pète les plombs, je veux personne à côté de moi. Je vois trop de langue de vipère depuis que ma veste en piton. La retourne à l'envers, papa enterre son fils. Ton c'est ma royaume Kataka, on a réussi sans piston. Garde la tonne en taga, t'inquiète pas, y'a du pifton. J'suis passé par la santé en commençant par fleur. Et ce matin j'ai cramé 30 feuilles en passant chez Berber. Il suffit qu'une fleur fan pour que le bouquet pourrisse. Il suffit qu'une femme parle pour que la mère offre et périsse. Il suffit qu'une femme parle pour qu'un de mes potes en périsse. Et j'parle pas d'enfant quand je dis que je vais chez la nourrice. Un grain de folie, un grain de mélancolie. J'crois qu'il y a trop de bif, ouais, ma vie c'est Monopoly. Et ouais, la musique me porte, la musique est forte, la musique est belle. La musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. Mais je veux le million de, le million de. J'ai pris ton rêve et je l'ai cassé en deux. Le million de, le million de. J'ai pris tous tes rêves et je les ai cassés en deux. C'est pour ceux qui ont pas de mandat et qui vont pas demander. Je crois ce qu'il m'a peur de pantin, je vais voir Hicham à Saint-Mandé. La joie des alouettes, alhamdoulilah, Dieu soit loué. Je suis crèvé dans un bolide, ouais, les blés, c'est pas loué. La garde à vos arrivants, sur les murs, j'étais graveur. Baby driver et bim bim, le rap des big ravers. Les trappes et les boycotteurs, veuillez calmer vos ardeurs. Y'a que du bruit, y'a plus d'odeur, t'as pas vu les droits d'auteur. Lundi matin, je croise le poteau qui viscère. Il me dit qu'il a la haine, qu'il veut se faire le commissaire. Je lui dis, faut que tu te débrouilles, même si je t'aime bien et t'es cool. Mais là, je suis désolé, y'a que pour la mise, je lâche les douilles. Et là, je suis près du four, donc je fais ce qui quand y'a la fouille. À force de pas tirer, tu sais que le calibre il roule. Et ça me rend dingue, dingue, dingue, qu'ils veulent se venger. J'ai que le plan A, moi j'ai pas de plan B. Des trucs de fou là, ouais, je suis en train de débiter un peu. Wesh. D'accord, bah oui. Wesh. Putain, le sac, ils sont envolés ou quoi? Wesh, tu crois que ça, c'est des oiseaux ou quoi? Eh, vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? On l'a croqué des oiseaux. J'ai vu qu'une femme parle pour qu'un de mes potes opérisse. Et je parle pas d'enfant quand je dis que je vais chez la nourrice. Un grain de folie, un grain de mélancolie. Je crois qu'il y a trop de bif, ouais, ma vie c'est Monopoly. Et ouais, la musique me porte, la musique est forte. La musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. La musique me porte, la musique est forte. La musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. Mais je veux le million de, le million de. J'ai pris ton rêve et je l'ai cassé en deux. Wesh, mais il y avait quoi dans ton sac? Des oiseaux.